On m'a souvent bassiné sur le fait que la France était un pays d'assistés, que trop nombreux vivent aisément au crochet d'un système où l'on taxe les travailleurs fauchés. Alors pour tous ceux qui fantasment le temps de jadis, pour tous ceux qui tiennent des discours poujadistes, prétendant payer trop d'impôts pour nourrir les profiteurs d'un système qui implose, j'aimerais offrir un autre regard, changer d'air pour ceux qui n'ont jamais eu à demander d'aide. Car il est ardu de faire valoir tous ses droits lorsque l'on n'est pas bureaucrate et que les lois nous dépassent. Ballotté dans les remous d'une administration, gré des imbrications de la législation, les critères de tension tuent une certaine propension à la complication et pousse à la résignation. Je ne voudrais pas passer pour un ingrat, car oui, j'ai bénéficié du RSA, de la CMU, de la CAF et du CROUS. Mais voilà ce que j'ai rempli des paplats, téléphoné, fait la queue pendant les heures de travail pour obtenir des avis parfois contradictoires, fourni des attestations, fait des déclarations. Et même si chaque versement fut-elle une victoire, je considère comme une bénédiction le droit d'accès à ses aides et allocations. Il y a l'aide au logement également, pour lequel il est dur de montrer patte blanche, de payer les avances, les agences, la caution, les avenants, solliciter ses parents à presque 30 ans pour trouver des garants répondant à des critères effarants, c'est navrant, voire dégradant, le tout pour remplir les listes d'attente. Et encore, je maîtrise la langue, je ne suis pas demandeur d'asile et n'ai pas à nourrir de famille. Pas imposable, d'accord. Mais qui sont les consommateurs de tabac et d'alcool? Qui fait vivre la française des jeux? Qui est ciblée par les programmes télévisés? Laissez-moi deviner. À qui sert le plus le trou de la sécu? Aux pauvres exclus, aux professions médicales et aux lobbies pharmaceutiques à ce titre. Pourquoi nous gaffe-t-on de cacheton au moindre signal? À qui profite quoi et qui produit quoi? Dites-moi, qui doit tirer profil bas? Tout se révèle plus complexe à grande échelle, car les minima et les aides sont des prélèvements qui sont aussitôt réinjectés dans l'économie et qui à nouveau sont ponctionnés et font fonctionner les commerces et les proprios. Car il faut bien se nourrir, se loger, se couvrir. Je souligne que ces sommes perçues, loin d'être superflues, ne sont donc ni perdues ni gardées. Au contraire, elles sont le pendant légitime d'un système compétitif élitiste à l'économie libérale, qui ne prend pas ses victimes en compte et élimine d'une façon légale les plus vulnérables. Je parle des moins adaptés comme des moins prémunis, qui dans cette lutte au bénéfice seront les premiers punis. C'est temps de cesser de stigmatiser ceux qui sont dépendants de ce système, qui ne repose lui-même que sur des dépendances. L'assistanat est souvent fantasmé, car on trouvera toujours un profiteur pour discréditer ceux qui sont dans le besoin. Je ne suis pas économiste, mais je ne pense pas que ces aides-là plombent l'économie. Les minima circulent, personne ne les thésaurise. Et l'argent public est souvent utilisé d'une manière qui me semble bien plus révoltante. Alors,